suis comme une petite boule, je suis comme une pierre qui roule sur cette planète. Ma vie dévale une pente qui va, je ne sais pas où, je ne sais pas quand. S'arrêter sur un gros rocher ou descendre en bas dans les vallées pour suivre les rivières. J'avoue que finir dans l'eau me rappellera le dernier jour dans le ventre de ma mère, prêt pour partir à la guerre. On ne m'avait pas prévenu qu'une fois que tu es là, il faut se battre tous les jours, il faut se battre à chaque fois. Combien d'années, combien de mois, combien de jours, combien d'heures, les hommes ont inventé le temps juste pour savoir combien il reste. Bien.